Chapitre 16e. L'assurance sur la vie. Le baron de Lavernay, après avoir laissé à Brigitte la garde d'Athénaïs, s'était retiré dans sa chambre. Une fois seul, lui aussi, il se prit à réfléchir. La morte dans sa bière, et la bière recouverte de terre, il n'avait plus rien à redouter, car les morts ne parlent pas et la terre est muette. Aussi, s'il n'avait dépendu que de lui, il aurait fait procéder le jour même à la cérémonie funèbre. Mais il n'y fallait point songer. D'un autre côté, il ne pouvait se dispenser d'informer Maurice de la mort de sa tante. Sa lettre, il est vrai, n'arriverait à Paris que le lendemain dans la journée. Et lorsque son fils se présenterait au château, tout serait fini, mais les convenances du moins seraient observées. Il n'existait dans la localité, non plus que dans les communes environnantes, aucune de ces imprimeries expéditives qui confectionnent en une heure ou deux des billets de faire-part, et le baron dut se résigner à écrire lui-même ses billets. Déjà, il prenait la plume lorsque le facteur apporta une lettre timbrée de Paris. Elle était adressée à sa sœur. Monsieur de Lavernay rompit le cachet. Maurice annonçait à sa tante qu'il arriverait le surlendemain avec la duchesse de Valandreuse. Le vieux gentilhomme fronça les sourcils. Cette arrivée intempestive le forçait en effet à retarder d'un jour les funérailles d'Athénaïs. Mais après réflexion, il décida que l'enterrement aurait lieu le lendemain même. « Si mon fils et la duchesse s'étonnent de ce que je ne les ai point attendus pour rendre les derniers devoirs à ma sœur, se dit-il, je me retrancherai derrière un cas de force majeure. » En ce moment, un coup de cloche retentit. « Sans doute le médecin, » pensa-t-il, et il descendit. Il ne se trompait pas. Le médecin que Martin Thibault était allé quérir venait d'entrer. « Eh bien, » dit-il au baron, « comment va la malade ?»« Il n'y a plus de malade, » répondit le vieux gentilhomme en prenant une figure de circonstance. « Il n'y a plus qu'une morte. »« Voyons, » reprit le médecin. On monta dans la chambre à coucher de Mademoiselle de Lavernay. Brigitte, toujours assise au chevet du lit de sa maîtresse, sanglotait. À peine remarqua-t-elle la présence du docteur et du baron. Le docteur, sans prononcer un mot, s'approcha du lit. Il constata ensuite que tout d'abord, la mort remontait à 13 heures. Puis se tournant vers le vieux gentilhomme, il lui demanda si cette mort n'avait point été précédée de certains symptômes avertisseurs. « Ma sœur, » répondit M. de Lavernay, « s'est retirée, selon son habitude, dans sa chambre à 9 heures du soir. Elle n'était nullement souffrante, et ce matin, sur les 10 heures, lorsque notre servante Brigitte est entrée, elle la trouvait morte. » Le médecin examina attentivement le cadavre, l'ausculta plusieurs reprises, et déclara que Mademoiselle de Lavernay avait succombé à une attaque d'apoplexie séreuse. Brigitte, en ce moment, sortit de son anéantissement. Elle leva lentement la tête et regardant le docteur. « À quoi reconnaissez-vous cela ? » dit-elle. « La chose ne saurait être mise en doute, » répondit le médecin. « La face est d'une pâleur livide, et les yeux encore ouverts indiquent que Mademoiselle de Lavernay s'est éveillée avant de mourir et que la mort l'a frappée sans qu'elle ait eu le temps d'appeler à son aide. « Pourriez-vous constater votre déclaration par écrit ?» lui dit le baron. Le médecin, à cette étrange question, ne put se défendre d'un mouvement de surprise. Ce mouvement n'échappa point au vieux gentilhomme, mais sans se déconcerter, il ajouta « Je tiens à ce que tout se passe régulièrement. » Le médecin demanda du papier, une plume, et libella sa déclaration en termes techniques. Le baron prit le papier et le serra dans son portefeuille. Brigitte avait subi d'un œil attentif les moindres détails de cette scène, et quand le médecin fut parti, elle murmura entre ses dents. Mes soupçons étaient fondés, le malheureux a assassiné sa sœur. La nuit était venue. Rien de plus lugubre qu'une maison dans laquelle est entrée la mort. Tous les bruits qui s'y font ont quelque chose de sinistre. La bière qu'on apporte, le corps qu'on met dedans, les clous qu'on enfonce, tout cela impressionne et terrifie. La vieille servante n'avait voulu laisser à personne le sein d'envelopper sa chère morte dans un linceul. Elle prit le meilleur drap pour cette toilette funèbre, puis elle alla chercher un petit crucifix de cuivre, devant lequel Athénaïs s'agenouilla le matin en se levant, et le soir au moment de se coucher, et elle le lui plaça sous la poitrine. Ensuite, elle alluma un cierge à chaque angle du lit, et elle se mit en prière. Lorsque le soleil parut, elle priait encore. Le baron de Lavernay, lui non plus, n'avait pas dormi. Ses yeux gonflés témoignaient de sa longue et douloureuse insomnie. Mais ce n'était ni le remords ni le repentir qui avaient creusé ses yeux et jetait un masque pâle sur son visage. C'était la peur. Cet homme, qui avait si froidement, si habilement préparé et accompli son crime abominable, cet homme auquel la déclaration écrite du médecin assurait l'impunité, cet homme suait l'épouvante par tous ses pores. Lui, si plein de confiance la veille encore, et qui aurait défié en face la justice humaine, lui qui avait regardé sans que son cœur battît plus vite, sans qu'un muscle de sa figure tressaillît, sa sœur morte et qu'il avait tuée, à présent il comptait les heures et les minutes qui le séparaient du moment où elle serait couchée dans son cercueil à 3 pieds sous terre. Vers 10 heures du matin, accoudé sur une table et une main sur son front, il suivait la marche trop lente à son gré des aiguilles de la pendule, quand un cliquetis de fouet, mêlé à un bruit de grelot, se fit entendre. Il se leva, courut à sa fenêtre et l'ouvrit. C'était Maurice de Lavernay, qu'il n'attendait que le lendemain, et la duchesse de Vallombreuse, qui venait d'entrer dans le vieux manoir. La nouvelle de la mort de mademoiselle de Lavernay fut un véritable coup de foudre pour Maurice et pour la duchesse. Le jeune magistrat, qui, on le sait, portait une grande affection à sa tante, en ressentit un chagrin profond. Cette mort inattendue impressionna vivement madame de Vallombreuse et lui sembla un sinistre avertissement. Quant au baron, il avait, par un énergique effort de volonté, recouvré tout son sang-froid. Ils étaient tous les trois dans la chambre mortuaire avec Brigitte. Près d'eux se trouvait le cercueil dans lequel Athénaïs allait être enfermée, lorsque Martin Thibault entra précipitamment et annonça au baron que le juge de paix venait d'arriver avec une autre personne, le docteur Cavarox. La duchesse, en entendant prononcer le nom du docteur, tressaillit. Toutefois, elle crut devoir, vu les circonstances présentes, s'abstenir de toute question. Le baron, lui, ne manifesta aucune surprise en apprenant l'arrivée de Cavarox, mais la présence du juge de paix lui causa une certaine émotion. « Et que vient-il faire ici un jour comme aujourd'hui ? » demanda-t-il à Martin. « Il désire vous parler en particulier, monsieur le baron, » répondit celui-ci, et il ajoutait qu'il s'agissait d'une affaire pressée. « C'est bien. Conduis-le à ma chambre, je vais le recevoir. » Quelques instants après, M. de Lavernay rejoignait le juge de paix. Si l'annonce de la visite de M. Jorel l'avait surpris, sa surprise redoubla quand il remarqua qu'il n'était pas seul. Lorsque le nom de Cavarox avait été prononcé, le vieux gentilhomme, nous l'avons vu, ne s'en était point ému. En effet, il supposait que le docteur, en sa double qualité de voisin et de connaissance, était venu pour assister aux funérailles d'Athénaïs. Mais en le trouvant dans sa chambre, s'entretenant à voix basse avec le juge de paix Jorel, il se demanda ce que pouvait avoir à se communiquer d'une façon aussi mystérieuse deux hommes qui étaient complètement étrangers l'un à l'autre. « Monsieur le baron, » dit le juge de paix avec une déférence pleine de courtoisie, « je vous prie de m'excuser, mais les devoirs de mon ministère ne m'ont pas permis de refuser à monsieur le concours qu'il était en droit d'exiger de moi. » Et il désigna le docteur. Monsieur de Lavernay regarda tour à tour Cavarox et monsieur Jorel sans comprendre. « Expliquez-vous, messieurs, » répondit-il froidement. « Voici la chose, mon cher baron, » repartit Cavarox en souriant. « Vous avez assuré, pour une somme considérable, 200 000 francs, je crois, mademoiselle votre sœur a une compagnie anglaise. »« C'est vrai, » répliqua le vieux gentilhomme en reprenant tout son aplomb. « Mais en quoi cela peut-il vous intéresser ?»« Cela m'intéresse beaucoup. Ne savez-vous pas que je suis le médecin délégué de cette compagnie ?»« Je l'ignorais, » fit le baron sans manifester aucun embarras. Le docteur montait effrontément. Il s'était bien gardé, comme on le pense, de faire connaître à M. de Lavernay sa qualité de médecin de la compagnie anglaise d'assurance sur la vie. La moindre indiscrétion à cet égard eût en effet donné fort à réfléchir au frère d'Athénaïs. Il aurait certainement arrêté dans ses projets criminels. Donc, continua Cavarox, avec le même ton dégagé, vous devez trouver tout naturel que cette compagnie m'est chargée du soin de m'enquérir des causes de la mort de mademoiselle de Lavernay. « Parfaitement naturel, mon cher docteur, » répondit le baron sur le même ton, « et je puis fournir à cet égard les renseignements les plus positifs et les plus authentiques. » Il sortit alors de son portefeuille la déclaration du médecin de Rumilly et la remit à Cavarox. Celui-ci prit le papier, essuya les verres bleus de ses lunettes et lut attentivement. « Mon confrère, » dit-il après avoir lu, attribue la mort à un épanchement séreux. Je ne doute nullement de sa science, mais la compagnie que je représente, consulter votre police d'assurance exige que je constate moi-même les décès de ses assurés. Je vais vous conduire auprès de ma sœur, reprit le baron sans se départir de son sang-froid. Je puis alors me retirer, dit le juge de paix. Je vous serai reconnaissant de vouloir bien assister à la constatation, répliqua Caparox. Votre présence ne donnera que plus de poids à mon rapport. Veuillez me suivre, messieurs, dit le vieux gentilhomme en prenant les devants. Lorsque le baron, le juge de paix et Caparox entrèrent dans la chambre mortuaire, elle était déserte. Maurice de Lavernay et la duchesse venaient de la quitter, emmenant presque de force avec eux Brigitte à demi-folle de douleur. Le docteur Caparox ouvrit sa trousse, prit une paire de ciseaux, décousit en un clin d'œil le linceul dans lequel était enveloppée Mademoiselle de Lavernay, et examina le cadavre avec le soin le plus minutieux. Le baron le regarda faire sans sourciller. Caparox, d'abord, ne découvrit rien de suspect. Il continua son examen, puis il le suspendit un instant, et se tournant vers M. de Lavernay. « Votre sœur aurait-elle respiré du chloroforme ? » lui demanda-t-il. « Ma sœur, à ma connaissance du moins, ne s'en est jamais servie, » répondit le vieux gentilhomme. Le docteur reprit son examen. 5 ou 6 minutes s'écoulèrent. « Mon confrère, » dit-il lorsqu'il eut terminé, « attribue la mort à une apoplexie séreuse. Je ne partage pas son avis. D'après l'inspection générale du corps, la mort a dû provenir d'une lésion au cervelet produite par un instrument contondant dont je ne puis encore définir la forme. » Monsieur de Lavernay pâlit. Caparox dénoua alors la chevelure de la morte, glissa sa main sous la nuque, la palpa et laissa échapper une exclamation. « Qu'avez-vous ? » dit Monsieur Jorel. « Qu'est-ce ? » fit le baron devenu livide. « Je crois avoir découvert la véritable cause de la mort, » répondit le docteur en prenant de nouveau ses ciseaux. En quelques secondes, il fit tomber la chevelure qui garnissait la partie postérieure de la tête de la défunte. Alors on put voir un point noir sur cette partie complètement dénudée. « Monsieur le baron, » dit Caparox d'une voix brève, « votre sœur a été assassinée. » Et saisissant une pince dans sa trousse, il retira du cervelet une longue épingle noire en acier. L'affirmation du docteur était précise, et le corps du délit si apparent que le juge de paix, qui jusque-là n'avait joué qu'un rôle passif, changea immédiatement d'attitude. « Puisqu'il y a crime, » dit-il, « je dois procéder à une information sommaire, que le juge d'instruction complétera. » Monsieur de Lavernay, quoique effrayé de la tournure que prenaient les choses, fit cependant bonne contenance. « J'allais vous le demander, monsieur le juge de paix, » reprit-il, « car plus que tout autre, je suis intéressé à ce que le coupable soit découvert, si en effet il y a un coupable. » « Quelles sont les personnes qui se trouvaient au château lors de l'événement ?» continua M. Jorel. « 4 personnes, répondit le baron, « ma sœur, moi, Martin Thibault, notre cocher, et notre vieille servante Brigitte. » « Où couche Thibault ? » ?»« Au-dessus de l'écurie, dans son grenier. » « Et Brigitte, dans cette petite pièce, » dit M. de Lavernay en ouvrant la porte et en désignant le cabinet. « Où communique cette petite pièce ? » ?»« Au salon. » « Et la fenêtre que voici ?» Elle donne sur le torrent du fier. De sorte, poursuivit le juge de paix après une pause, qu'il faut, pour arriver à la chambre de Mademoiselle de Lavernay, traverser le salon et le petit cabinet. Oui, répondit le baron. Où se trouve ordinairement placé le lit de votre servante? En travers de la porte de la chambre à coucher de ma sœur. Mais alors, et à moins de passer sur le corps de cette fille, il est matériellement impossible d'entrer dans la chambre où nous sommes. Cela est de toute évidence. M. Jorel fit une nouvelle pause. « Je vais interroger votre servante, » dit-il au baron. « Peut-être nous donnera-t-elle la clé de tout ceci. » « Mais, » objecta le vieux gentilhomme, « Brigitte est une brave et honnête fille. Elle portait ma pauvre sœur une affection sans bornes. « Veuillez la faire venir, » dit le juge de paix d'un ton péremptoire. M. de Lavernay sortit et revint au bout de quelques minutes avec Brigitte. Brigitte avait toujours cet air farouche qui s'était, en quelque sorte, imprimé sur sa figure depuis la mort de sa maîtresse. Ses yeux contouraient un cercle bistré, ses regards atones et son maintien effaré dénotaient le trouble de son âme. Le juge de paix la fit approcher et, sans la moindre circonlocution, lui dit « Mademoiselle de Lavernay a été assassinée. »« Mademoiselle a été assassinée, » répéta la vieille servante sans témoigner aucune surprise. « La preuve du crime, la voici. » continua M. Jorel, et lui montra la longue épingle noire. Brigitte tressaillit et jeta un regard sombre sur le baron. De plus, le meurtrier avait à la main, en pénétrant dans cette chambre, un mouchoir imprégné de chloroforme ou un flacon qui en contenait, et il l'appliquait sur la bouche de sa victime. Brigitte écoutait avec une curiosité fiévreuse. « À quoi sert la substance que vous venez de nommer ?» demanda-t-elle au juge de paix. « Ainsi administrée, elle exerce une action stupéfiante, » répondit le docteur Cabarrox. « La personne qui la respire perd connaissance et la douleur n'existe plus pour elle, d'où il résulte qu'un assassin peut accomplir son crime sans que sa victime oppose la moindre résistance. « Je comprends, » fit la vieille servante. Monsieur de Lavernay écoutait, impassible, comme si l'orage qui grondait sourdement devait passer par-dessus sa tête. « Lorsque votre maîtresse a été privée de sentiments, » poursuivit le docteur, « l'assassin prit cette épingle que vous voyez, et que vous voyez également, monsieur le baron, puis l'enfonçait en cet endroit. » Et joignant la démonstration à la parole, Cabarrox souleva la tête de la morte et désigna un petit point violacé. « Je comprends encore, » murmura Brigitte, en regardant de nouveau son maître à la dérobée. Le juge de paix prit alors la parole. « Où avez-vous couché pendant la nuit du meurtre ? » demanda-t-il à la servante. « Là où je couche toujours depuis tantôt 50 ans. » répondit-elle sans hésitation. « Quelqu'un pouvait-il entrer dans la chambre de mademoiselle de Lavernay sans vous éveiller ? C'est impossible, mon lit barrait la porte. » « Et vous n'avez rien entendu ? Rien. Je me suis couché le soir à 9h30 et je n'ai fait qu'un somme jusqu'au lendemain. » « Vous ne dites pas la vérité, car vous venez à l'instant même de déclarer qu'il était impossible d'arriver jusqu'à votre maîtresse sans vous éveiller. »« Je ne puis répondre que ce qui est. Je n'ai rien vu, rien entendu. »« Mais alors c'est vous qui l'avez assassiné ?» répliqua vivement le juge de paix. La vieille servante regarda en face M. Jorel et leva les épaules. « Moi qui l'aimais tant, » dit-elle, « moi qui aurais donné ma vie pour elle. Vous savez bien que ça n'est pas vrai, et que je ne l'ai pas assassiné. » En ce cas, désignait le coupable, je dormais. Votre négation tombe devant l'évidence, et si vous persistez dans votre refus de faire connaître l'assassin, c'est vous qui serez accusé. Je vous le répète, je ne sais rien. M. Jorel se plaça devant une table, prit une plume, du papier, de l'encre, et l'écrivit. Monsieur le baron, dit-il lorsqu'il eut achevé d'écrire, veuillez faire porter sur le champ cette lettre à la gendarmerie de Rumilly, afin qu'elle procède à l'arrestation de cette femme. Jusque-là, elle demeura prisonnière dans cette chambre, sous la surveillance d'un gardien provisoire. Ce fut enfin que M. de Lavernay réclama contre ces mesures, tout s'accomplit ainsi que le juge de paix l'avait prescrit. La porte de la chambre mortuaire fut fermée. M. Jorel mit la clé dans sa poche, et un robuste paysan reçut l'ordre de veiller sur la prisonnière. Brigitte, de nouveau, se trouvait seule avec le cadavre. Elle tomba à genoux devant le lit, et regardant la face décolorée de la morte. « Conseillez-moi, ma chère maîtresse, » murmura-t-elle, « dois-je me taire ou parler ? Si je parle, votre frère montera sur l'échafaud, et une souillure ineffaçable couvrira le nom de votre famille. Si je me tais, c'est moi que l'échafaud réclamera. Mon nom deviendra un objet d'exécration, et dans 100 ans encore, les enfants de ce pays raconteront à la veillée le crime dont cependant je suis innocente. » Il se livrait dans l'âme simple et forte de la vieille servante à de ces combats terribles, épouvantables, devant lesquels faiblissent les cœurs les mieux trempés. Le dévouement enfin l'emporta. « Oui, » dit-elle, « je garderai le silence, et l'honneur des Lavernay restera sans tache. »